Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est Fou FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures. Je m'occupe de la mise en onde, de l'animation, de la recherche musicale et du choix musical avec la complicité de Denis Marchand. Aujourd'hui en émission, nous avons des États-Unis Eden Song, ESP d'Angleterre, Cairo d'Angleterre, No Sound d'Italie, Lee Abraham d'Angleterre, Profuna Ocean des Pays-Bas, Tabula Rasa des États-Unis, Gentle Giant qu'on connaît bien d'Angleterre, The Maelstrom aussi, un nouveau ancien groupe québécois, en fait, je vous expliquerai plus tard. Et ça sera suivi à la fin de Harmonium, étant donné que l'Heptade vient de faire paraître son opus pour le 40e anniversaire. On parle ici de novembre 1976. Alors, on débute ça avec Eden Song, qui est une formation américaine qui vient de faire paraître un album qui s'intitule Years in the Garden of Years. C'est le deuxième de la formation. On va vous présenter ça en début de bloc. Et ça sera suivi de ESP, qui est une formation britannique qui est en fait un collectif de musiciens très connus. On parle ici de David Jackson de Van de Graaff Generator, on parle de David Cross de King Crimson et plusieurs autres de groupes assez connus, des groupes comme Landmark, Procolorum, mais bien oui, Procolorum, c'est quand même une éternité qu'on a entendu parler d'eux. Il y a des musiciens aussi qui ont joué avec Mike Oldfield et Steve Hackett, entre autres. Alors, c'est un collectif. Ils ont un album. Ça vient tout juste de paraître. On va entendre un extrait. Et le bloc sera conclu par Cairo, une nouvelle formation britannique. C'est à ne pas confondre avec la formation Cairo qui a été active là, dans les années 80, 70, 80. Alors aussi, Cairo est une nouveauté. On va entendre deux extraits de l'album C. Alors, on débute ça par Eden Song. Cries were so loud. invisible din of a ghost that refuses to leave. In the light of the mind I am in new ways. Thank you.

Alors, c'était Cairo, la formation britannique, et deux extraits de l'album C. On a entendu Nothing to Prove et Random Acts of Kindness. Et ça a été précédé d'une nouvelle formation britannique du nom de ESP avec la pièce Almost Seen, et c'est extrait de l'album Invisible Dean qui est paru il y a quelques semaines. Et d'entrée de bloc, nous avions Eden Song, cette formation américaine, avec la pièce de Hollowed, et c'est extrait de Years in the Garden of Years, c'est qui est une nouveauté aussi. Alors après la pause, No Sound, Lee Abraham et Profuna Hossein. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Et alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec trois nouveautés. Et la première, c'est un groupe italien du nom de No Sound. Ils viennent de faire paraître Scintilla, qui est leur cinquième album studio. Et on va entendre un extrait. Ça va être suivi de Lee Abraham, qui aussi est un musicien avec cinq albums studio. Il vient de faire paraître quelque chose qui s'appelle comme The Seasons Turn. On va entendre un extrait et on va conclure le bloc avec une autre nouveauté d'un groupe des Pays-Bas, Profuna Hossein, et on va entendre un extrait de leur deuxième album qui s'appelle In Vacuum. Alors on débute ça avec No Sound. Sulle strade e ho lasciato camminarci la sera con le ombre delle case trafitte dalla pioggia e i deserti. Thank you. calls fade, stare right at me. You make me bleed, stare the sun down within the noise. Scream right at you, here I stay. Shadows, they dance with me. Sing on. When you walk. this off today. Can't stay if I want it a moment when the time is locked away. For you are now a sunset, the ending of the day. And I am still a drifter, and at this moment I am drifting far away. Alors, ce que vous venez d'entendre, ça nous vient des Pays-Bas. Il s'agit de la formation Profuna Ocean et c'est l'album In Vacuum et on a entendu l'extrait Beautiful Sunrise. Ça a été précédé de musicien britannique, ancien musicien de Galahad, Lee Abraham, et on a eu un extrait de l'album de Seasons Turn, ça vient tout juste de paraître, en fait il y a quelques semaines, et on a entendu un extrait de la pièce The Unknown. Ça a été précédé en début de bloc par la formation italienne No Sound, et aussi avec un nouvel album, Cynthia, et on a entendu la pièce Sogno e Incendio. Après la pause, Tabula Rasa, a gentle giant. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc avec une formation américaine qui est assez récente, mais ils ont déjà trois albums à leur actif et ils viennent de faire paraître Crimson. C'est un album qu'on va entendre, c'est-à-dire on va entendre la pièce-titre, qui est un long extrait, et on va conclure le bloc avec un retour au passé dans les années 70 avec Gentle Giant. Je vous propose trois pièces, une extraite de Power and the Glory, on va entendre Playing the Game, et on va conclure avec Mr. Quality and Class et Three Friends de l'album Three Friends. Alors on débute ça avec Tabula Rasa. Thank you. truth never broken within my silent words left unsaid. Thank you. Alors, c'était Gentle Giant. Et on a entendu trois pièces. La première, c'était Playing the Game. Ça a été extrait, ça, de The Power and the Glory. Et on a suivi ça avec Mr. Class and Quality et Three Friends. Toutes deux extraites de l'album Three Friends qui est paru en 1972. Et tout ça a été précédé en début de bloc par la formation américaine Tabula Rasa. Et on a entendu la longue pièce Crimson, extraite de l'album du même nom, qui est paru il y a quelques semaines. Alors, après la pause, Maelstrom et Harmonium. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission. On va débuter ça avec un groupe québécois qui a une drôle d'histoire. En fait, c'est un groupe qui a enregistré un album en 1976. Ça se passait au studio André Perry de Morin Heights. Le fameux studio fut enregistré l'album Jaune de Jean-Pierre Ferland. Je reviens à Maelstrom qui avait enregistré un album et il n'a jamais paru. Alors, c'est seulement cet automne que quelqu'un a décidé de faire paraître l'album. Il a été très bien reçu par la critique et on remonte en 1976, bien entendu, c'est l'année des élections, la fameuse 15 novembre de l'élection du Parti québécois, qui avait aussi, on avait connu cette année-là, Harmonium, Leptade, et c'est ce qu'on va entendre en fin de bloc, comme un fou. Alors, on va passer à, donc, je débute ça avec Maelstrom et une pièce qui s'appelle La Solitude. La deuxième pièce, Légende pour le futur. Ceux qui ont une oreille avertie reconnaîtront quelques accords d'une célèbre chanson de Gentle Giant de l'époque, Funny Ways. Alors, on débute ça avec Maelstrom. La vie parfois nous semble si fade, plus rien ne va. Et ce qui semble certain nous glisse entre les doigts. Tout paraît confus et monotone. Nous ne savons plus qui nous sommes. Exilés en nous-mêmes, nous ne voyons plus rien du tout. Mais ça ne dure pas, et on se dit, pourquoi se troubler? À quoi ça sert? À rien. Thank you. nos habitudes comme étrange présence qui parle d'une absence. L'oiseau qui vole au ciel comme nous la ressent-elle et la feuille ondoyant au vent en connaît-elle Et nous oublions alors que plus rien ne va, c'est comme ça. Quand nos cœurs inquiets cherchent un sens qui apaiserait notre parapluie. Ne pas pleurer, c'est temps de feu. Raconter sans se lamenter cet endroit où tout avait l'odeur de la haine et de la peur. Parles-tu engendré sur une île louée, un peuple jadis et lorsqu'il n'est plus ce temps merveilleux, depuis qu'est venu l'orgueil fléauïdeux de la race des élus. Thank you.

Vous venez d'entendre Harmonium avec la version, en fait la pièce Comme un fou, et c'est extrait de la réédition de l'Heptade en version XL. C'est une en fait, c'est pour souligner le 40e anniversaire de cet album qui est paru le 15 novembre 1976, la journée même des élections, la première fois que le Parti québécois a été élu. Je me souviens très bien de cette soirée-là et où j'étais. Je ne sais pas si quelques-uns de mes auditeurs ont cette mémoire-là, mais ça a été un moment assez particulier. Et on a entendu auparavant Maelstrom, qui est un groupe qui a fait aussi un album en 1976, mais comme je le mentionnais en début de bloc, l'album est paru seulement cette année, 40 ans plus tard. Et on a entendu Légende pour le futur, et ça avait été précédé de Solitude. Alors, ceci met fin à l'émission, et je vous rappelle que vous pouvez retracer le titre et le nom des artistes et le titre des pièces que vous avez entendues aujourd'hui en consultant la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Vous y trouverez, comme je disais, le canevas de l'émission d'aujourd'hui et aussi un hyperlien pour la réécoute de cette émission-là. Et vous avez aussi un hyperlien qui vous permet de vous retrouver sur les émissions archivées, toute la liste des émissions archivées que vous pouvez aussi réécouter. Il y en a près de 70. Ça remonte jusqu'au mois de décembre 2014. Je voulais aussi mentionner que sur la page Facebook de l'émission, vous avez un lien aussi sur la liste des 110 albums de rock progressif italien que je propose ou suggère, et la liste aussi des 50 albums de rock progressif québécois de tous les temps. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une autre émission de Rock de Neurones.